vacarme. T'as dit que t'avais réglé un conflit. Il y a des méthodes pour régler les conflits. Tu dois faire quoi, Vincent? 5 étapes. Alors d'abord, on leur dit qu'est-ce qui se passe. Après, on leur dit s'ils veulent qu'on règle le conflit. Après, on dit qu'est-ce qui s'est passé. Et puis si l'autre, il parle toujours, on dit « Attends, maintenant, c'est à lui de parler. Après, ce sera à toi. » Puis après, ils disent « Comment vous allez faire pour régler le conflit ?» Et puis ben après, ils deviennent amis. Puis ils se font un check à la fin. Harcèlement, comment en finir avec la loi du préau? Véronique Marty, Marc Jules. Bonjour à tous et à chacune. Le harcèlement scolaire, c'est quoi exactement? Insultes, humiliations, mises à l'écart, rumeurs, coups parfois. Le harcèlement en milieu scolaire se définit comme une forme de violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Et on a vu, avec le reportage d'hier, que vous pouvez toujours aller écouter sur rts.ch/vacarme si vous l'avez manqué, on a vu donc hier que cette forme de violence pouvait être destructrice. Alors, la question qui vient très vite quand on parle de harcèlement scolaire, c'est comment peut-on empêcher ça ? Et la réponse, elle, n'est pas évidente, car en Suisse, il n'existe pas, comme dans d'autres pays, de plan national de prévention du harcèlement scolaire. À l'échelle cantonale, seuls Vaud et Genève, pour ce qui est de la Romandie, ont pris des initiatives. En Valais, les communes se débrouillent. L'école primaire de Chara a fait appel à NCBI Suisse, une association à but non lucratif qui lutte contre les discriminations. À son initiative, une dizaine d'élèves âgés de 8 à 12 ans ont été élus par leurs camarades à la fonction de peacemaker, on pourrait dire faiseur de paix. Et ce sont ces médiateurs qui interviennent dans la cour de récréation pour réguler les conflits et prévenir le harcèlement. Alors on va découvrir cette expérience avec ce reportage intitulé « Appel à témoins ». Il est signé Véronique Marty, la réalisation est de Jérôme Nussbaum. Donc, je ne sais pas qui c'est qui aimerait commencer par dire ben, une petite chose. Qui s'est passé? Il y avait deux petits qui étaient en train de se dire des vilains mots. Et puis ensuite, je suis intervenue. Mais dès que je leur ai posé une question, après, ils sont tout de suite allés jouer. Parce qu'ils n'ont pas vraiment compris. Ah, donc après, ils sont partis jouer. Et toi, tu as fait quoi? Tu les as... Ils s'entendaient assez bien. Alors, je les ai laissés. Tant mieux. Tu as bien fait de garder l'œil dessus pour voir si ça allait bien. Le pire, c'est quand c'est dehors de l'école, vu qu'il y a... À la récré, souvent, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Mm-hmm. Mais après, ça sonne, alors ils arrêtent et ils recommencent ici dehors. Bah, en classe, on entend toujours « tu verras après l'école » et tout. Oui. Et puis c'est là qu'ils donnent les bagarres. Puis c'est surtout les petits qui viennent nous appeler, parce que les 5e, 6e, ils viennent jamais. Ok, mais c'est bien, c'est bien, vous avez Souvent, moi, je joue souvent au fond de la récré. Je regarde pas trop vers les rangs parce que je joue pas là. Alors je regarde juste s'il y a des conflits à côté de moi. Exactement. Et puis vous êtes présentés dans les autres classes, donc c'est vraiment... Toute l'école vous connaisse, donc c'est à eux de venir vous demander de l'aide s'il y a quelque chose. Donc vous avez raison hein, d'être là, présent, mais pas besoin d'observer tout le temps tout ce qui se passe autour de vous. Alors aujourd'hui, on va vraiment continuer à voir aussi ce que vous avez observé dans vos classes plus particulièrement. Puis là, Ben va vous expliquer en fait l'activité d'aujourd'hui. Alors, l'idée, ça va être de faire un dessin. Je vous montre un exemple de dessin. Le tout, ce n'est pas de reproduire celui-là, mais c'est de réfléchir à comment se passe la dynamique dans votre classe. L'idée, c'est qu'en haut, vous allez marquer votre maître ou votre maîtresse et vous allez faire des ronds ou des carrés. Pour les carrés, ce seront les garçons et les ronds, ce seront des filles dans la classe. L'idée, c'est que toutes les personnes de votre classe soient représentées sur ce dessin. Entre les ronds et les carrés, vous allez pouvoir faire des traits. Un trait droit fixe, c'est une amitié, quand ils sont copains, quand ils sont copines, des amis. S'il y a des disputes entre deux élèves, eh ben, vous mettez un trait avec des hachures. Et puis, s'il y a deux élèves qui sont ennemis, vous faites un pointillé entre les élèves. L'idée, c'est de représenter ceux qui sont les plus populaires ou ceux qui sont les plus appréciés dans la classe en haut et ceux qui sont le moins appréciés en bas. Alors, je vais distribuer des feuilles et je vous propose de vous mettre sur la table, hein, pour être bien à plat. Hein. Une feuille par classe. Des petits traits. Ouais. C'est quoi les petits traits? C'est ennemis. Il y a des ennemis dans votre classe? Oui. Comment vous savez qu'ils sont ennemis? Parce qu'il y a personne qui les aime. Ouais. Parce qu'on joue tous en groupe, les filles avec les garçons, mais sauf un. Et puis pourquoi personne joue avec eux? Parce qu'ils nous tapent et puis ils nous disent des vilains mots. Ils nous poussent. Puis quand ils veulent jouer avec nous, ben nous on dit non parce qu'on sait qu'ils vont nous faire mal. Et pourquoi ils font ça? On leur a demandé mais ils ne veulent pas nous dire. Et puis ils bavent et puis ils nous crachent dessus. Puis quand on ne veut pas qu'ils nous poussent, ben ils nous poussent quand même. Tu as dit tout à l'heure que tu avais réglé un conflit. Il y a des méthodes pour régler les conflits. Tu dois faire quoi avec eux? Tu dois pas jouer. Ah, il y a 5 étapes. 5 étapes. Alors d'abord, on leur dit qu'est-ce qui se passe. Ben, ils nous disent qu'est-ce qui se passe. Après, on leur dit s'ils veulent qu'on règle le conflit. Ils nous disent oui ou non. S'ils nous disent non, ben, on part. Et s'ils nous disent oui, on reste. Et puis ben, après, on dit par exemple qu'est-ce qui s'est passé. Ils nous disent, et puis si l'autre il parle toujours, on dit attends, maintenant c'est à lui de parler, et après ce sera à toi, maintenant tu écoutes. Alors il écoute, après c'est à lui de parler, puis c'est l'autre qui écoute, qu'est-ce qu'il dit. Puis après, ils disent comment vous allez faire pour régler le conflit. Et ben ils nous disent, et puis ben après, ils deviennent amis, puis ils se font un check à la fin. C'est quoi un check? Un check, c'est ça. C'est deux mains qui se tapent et puis ensuite deux poings qui se tapent. Oui. Et toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 9 ans et demi. Tout l'intérêt de Peacemaker, c'est que souvent, quand il y a des situations de violence, il n'y a pas forcément un adulte qui est présent. Et ça peut être sur le chemin de l'école, ça peut être dans la cour de récréation. On ne peut pas mettre un surveillant derrière chaque élève. Hein. Et en fait, bah, eux, ils ont une sensibilité, ils peuvent être là, ils peuvent voir ce qui se passe. Hein, et le tout, c'est qu'ils puissent savoir comment ils peuvent agir, comment ils peuvent signaler quelque chose s'il y a besoin, hein, ou au moins intervenir. C'est au fond utiliser les témoins. C'est exactement ça. En fait, quand on est témoin, il y a quelque chose qui empêche, c'est un sentiment d'impuissance. Cette impuissance, c'est si on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire face à une situation? On n'est pas d'accord. Hein. Et puis, des fois, on est tout seul par rapport à ça. On se sent seul. Mais c'est très rarement le cas. Il y a des fois plusieurs personnes. Et des fois, on se sent plus fort à être plusieurs. Et si on sait intervenir, eh ben, on peut vraiment promouvoir le courage d'intervenir. Alors, c'est pas l'idée du délateur, hein, c'est juste de pouvoir intervenir et pas d'être passif dans les choses. Mais un peacemaker doit toujours sentir si pour lui c'est juste ou pas d'intervenir. On ne force jamais un peacemaker à intervenir. C'est pas un policier, c'est pas quelqu'un qui vient pour juger non plus, hein. C'est quelqu'un qui propose son aide, hein, pour pouvoir résoudre les conflits. Par exemple, on dit aux plus petits de ne pas intervenir sur des conflits avec des plus grands. Hein. Ce ne serait pas logique qu'un enfant de 4e Armos vienne sur un conflit avec des 8e, par exemple. Donc, si c'est le cas, c'est à lui de venir chercher de l'aide, de venir chercher un grand peacemaker, voilà, ou de, bien sûr, de demander de l'aide à un enseignant ou un enseignant de référence. On a mis aussi un peu vers la fin parce qu'en fait, il va déménager parce qu'il dit que tout le monde le déteste et tout. Mais c'est vrai que tout le monde le déteste? Non. Bah non. Moi je le déteste pas. Mais il dit que tout le monde le déteste, mais il peut pas vraiment savoir vu qu'il joue plutôt avec les garçons. Et en fait, vu que les garçons lui font beaucoup de mal, il pense que c'est aussi les filles qui lui font. Alors que, par exemple, moi, je lui ai jamais rien fait, à part peut-être que j'ai eu un conflit avec lui, mais une fois, il y avait la neige, c'était il n'y a pas si longtemps, puis il me lançait des boules de neige, alors que je lui avais rien fait, alors c'était un peu l'inverse. Ça vous est arrivé de régler des conflits? Moi, pas vraiment, parce que y a personne qui est venu m'appeler. Puis je suis peacemaker, mais j'ai pas vraiment envie, pendant toute la récréation, de chercher des conflits et tout. Parce que si j'en trouve pas, c'est plutôt bien. Vous faites quoi si vous voyez un conflit? On va demander s'ils veulent de l'aide. On leur fait les 5 étapes. Et puis... Mais c'est pas facile d'aller vers des gens qui sont en train de s'insulter et puis de leur dire « Est-ce que vous avez besoin d'aide ?» Il faut avoir un peu de courage. Oui. Ça doit faire un peu peur. Oui, des fois, je pense qu'on hésite un peu vu qu'ils se disent des mots un peu trop méchants. Mais après, c'est assez facile vu que nous, on n'a pas le droit d'aller régler les conflits de ceux qui sont plus grands. Parce que les grands, vu que je pense qu'ils n'ont pas peur des petits, bah, ils vont plutôt nous insulter aussi. Tu fais quoi si tu vois un conflit entre plus grands ? Je vais dire aux peacemakers qui sont plus grands, je dis aux profs. T'as dit 24. Là, il y en a un qui est tout en bas de votre schéma. Parce qu'il a beaucoup de conflits. En plus, il dit des choses très violentes parce qu'il joue à des jeux vidéo à partir de 18 ans. Puis dans les vestiaires, ben, une fois, il a dit qu'il voulait faire flamber la maison de quelqu'un. Et une fois, ben, la fois là, il s'est fait couer par le professeur. Et après, il a dit qu'il voulait le tuer et tuer tous les autres élèves de la classe. Et puis des fois, il dit qu'il apporterait des armes pour se battre contre les autres. Du coup, c'est pas... on n'a pas trop envie de rester avec lui, parce que c'est pas super. Pierre-André Ramu, vous êtes le directeur de l'école. Vous nous avez rejoint. Vous voyez les schémas. Quand vous voyez un élève qui est vraiment tout en bas, très loin des autres, vraiment le plus impopulaire, vous faites quelque chose ? Alors oui, là, il faut qu'on en discute avec les enseignants et puis voir ce qui se passe. On ne peut pas garder les yeux fermés hein, quand on voit ce genre de schéma. Il faut qu'on essaie d'améliorer la situation. Après, il y a peut-être des informations qu'on n'a pas en main qui peuvent expliquer qu'un enfant est plus impopulaire qu'un autre. S'il n'est pas très sympa avec ses camarades, on peut comprendre qu'il soit au bas de l'échelle, mais il faut qu'on essaie de rétablir le... Est-ce qu'il est en bas de l'échelle parce qu'il n'est pas très sympa ou est-ce qu'il n'est pas très sympa parce qu'il est en bas de l'échelle ? Ah, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Moi, je pourrais même témoigner aussi que moi-même, dans mon enfance, j'ai été dans la situation de victime de harcèlement et de mobbing à l'école. J'avais à peu près 14 ans dans ma scolarité. Et c'était en lien avec la profession de mon père. Mon père était notaire et on était dans un village très rural. Et voilà, c'était le notable de la région. Je suis français, donc ça se passait en France. Et j'ai eu beaucoup de brimades par rapport à ça. Si je réussissais à l'école, c'est « Ah, c'est normal, t'es le fils du notaire ». Et puis si je réussissais pas, « Ah, bah, tu es un bon à rien, et puis c'est normal, t'es aussi le fils du notaire ». Donc quoi que je fasse, en fait, j'avais cette étiquette qui me pesait. De la part de tous les élèves de la classe ou... De la part des élèves, de la part aussi du village. Dès que je faisais quelque chose, j'étais vraiment sous observation, quoi que je fasse. Et ça, vous avez pu en parler ? Non, j'ai pas pu en parler sur le moment. Mes parents ont déménagé, on a un autre lieu d'habitation, et du coup, ben, ça s'est transformé. Ça. Mais je dois dire que j'en suis pas très fier, mais du coup, moi aussi, j'ai eu cette position d'agresseur, légèrement, dans ma classe. C'est vrai qu'il y avait un élève qui était un petit peu plus intellectuel que les autres, et je me suis reconnu dans cette victime qui devient agresseur, et avec des moqueries, des choses comme ça. Toi, tu as été peacemaker l'année passée, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi ? En fait, au début, quand je suis arrivée à Chara, chaque fois, je me bagarrais tout ça. Après, quand j'ai été élue peacemaker, j'ai arrêté de me bagarrer et tout ça. Après, j'étais calme. Ah oui, toi, ça t'a transformé toi-même ? Oui, ça m'a transformé. T'es content de ça ? Bah oui. Parce qu'avant, quand je me bagarrais, des fois, j'avais des blessures et tout ça. Donc ma mère, elle m'engueulait et tout ça, mais maintenant, ça va. Et tu t'es dit, tout à coup, t'as une responsabilité, donc tu pouvais plus faire n'importe quoi. Ouais, parce que les peacemakers, t'as pas le droit de taper les autres, t'as pas le droit de les insulter et tout ça, donc après, on se calme. C'est quoi ta plus grande réussite comme peacemaker ? D'avoir réglé un conflit entre une fille et tout plein de garçons. Alors, raconte-moi. C'était une fille... Et après, il n'y a personne qui l'aimait. Chaque fois, elle insultait. Et après, comme même... quoi ? Grosse mégère, grosse pute, connasse et tout ça. Ça, c'est ce que disait tout le monde ? Ouais, la majorité, quoi. Et toi aussi ? Non. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour que ça s'arrête ? En fait, au début, j'ai dit d'arrêter. Après, ils se sont calmés. Mais après, ils ont continué. Après, j'ai dit aux profs, aux maîtresses. Après, il y a tout le monde qui a dit « Ouais, c'est vrai, c'est pas bien pour eux, parce qu'il y a tout le monde contre eux. » Après, ils se sont calmés. C'était plus loin. Même des fois, il y a des filles qui la frappaient. Même des fois, elles faisaient des photos. Après, ils envoyaient sur Snapchat, Instagram et tout ça. À quel moment précis t'es intervenue ? Le jour après qu'elle s'est fait taper. Pour moi, le harcèlement scolaire, c'est une forme d'épidémie. Il y a très peu d'élèves qui n'ont jamais rencontré ce genre de pratique, que ce soit en tant qu'agresseur, que ce soit en tant que victime ou simplement en tant qu'observateur. Et puis ben, pour ça, je crois qu'il faut vraiment se serrer les coudes, entre guillemets. Je crois que c'est vraiment une notion de collaboration les uns avec les autres. Et la responsabilité de l'école d'amener, dans le cadre de la socialisation, des règles, des limites qu'on puisse faire, et puis des lieux d'épanouissement où l'estime de soi, elle peut être vraiment nourrie, elle peut être accompagnée. Et je pense que c'est important de pouvoir former les enseignants, de pouvoir former aussi les élèves à d'autres alternatives que la domination et la compétition pour pouvoir réussir dans la scolarité. Je me rends maintenant dans les bureaux du canton de Vaud, parce que le canton de Vaud a mis sur pied un programme d'action, c'était au mois de novembre de l'année dernière, pour lutter contre le harcèlement à l'école. Dans ce programme d'action, il y a eu la création notamment d'un poste de responsable de la prévention contre le harcèlement, une sorte de monsieur harcèlement du canton de Vaud, et c'est Basile Perret. Bonjour. Vous allez bien ? Bien et vous ? Oui, merci. Et ensemble, nous allons également rencontrer deux responsables cantonaux concernant la santé à l'école, Jean Cher et Sophie Schubert. Je pense qu'il serait intéressant de redéfinir le harcèlement. Qu'est-ce que le harcèlement ? Parce qu'on va faire une différence avec les conflits, les bagarres, les violences. Donc voilà, si je veux le reprendre, c'est vrai que le harcèlement, c'est vraiment un comportement qui est agressif avec une visée négative. Il y a un acte répétitif qui peut être répétitif dans le temps, dans l'espace, grâce justement aux réseaux sociaux aussi, et qui a un déséquilibre vraiment de pouvoir entre l'auteur et la victime. Alors que le conflit, si on le reprend comme ça, le conflit est quelque chose de constructif. C'est-à-dire l'enfant a besoin de se mettre en conflit, d'être en conflit avec ses camarades, avec ses pairs, pour grandir. Donc le harcèlement est quelque chose d'extrêmement bien défini actuellement. Et c'est peut-être la difficulté justement quand un élève se plaint d'être en souffrance, vient témoigner par exemple auprès d'un médiateur qu'il est embêté, moqué, harcelé, parce que les jeunes l'utilisent aussi maintenant ce terme, c'est de réussir à comprendre voilà, de quoi est-ce qu'il s'agit vraiment. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, me semble-t-il, c'est la capacité qu'on a, nous, adultes, à comprendre ce qui se passe dans une cour de récréation quand l'adulte n'y est pas, justement. Et donc, d'avoir cette remontée des informations vers nous et qu'elles ne soient pas biaisées. Est-ce qu'on arrive vraiment à comprendre ce qui se passe entre les élèves ? Déjà, je pense que la première chose, c'est que c'est extrêmement important que les témoins, la victime, on parle autour d'eux, on parle aux adultes, que ce soit leurs parents, que ce soit quelqu'un dans l'école. Dans l'école, on a des personnes ressources, justement, qui sont là pour les écouter, pour prendre en charge. Après, le médiateur, si c'est le médiateur, le premier adulte qui entend, justement, ces témoignages, je pense qu'il ne va pas rester seul par rapport à ça. C'est peut-être pas tout seul qui va pouvoir comprendre tous les enjeux, justement, de ces bagarres et de ces violences. Il va peut-être être une des personnes à entendre, à écouter l'élève victime, mais par contre, il va pouvoir s'appuyer sur ses collègues, infirmiers scolaires, assistants sociaux, aumôniers, voilà, d'autres personnes qui pourront, eux, entendre ce que disent l'autre partie. Basile Perret. Oui, moi j'aime bien aussi insister sur le fait que, à mon avis, l'importance ne doit pas être donnée uniquement sur qui a fait quoi, à quel moment. Il faut se concentrer sur la souffrance qui se cache derrière ces situations. C'est très difficile de savoir qui a fait quoi, quand. Et je pense, pour être constructif, il faut toujours imaginer comment faire à partir de maintenant que le problème est connu. Les adultes en parlent, les enfants en ont parlé. Maintenant, le devoir à l'école, c'est que les choses s'améliorent pour que chacun soit en sécurité. Donc, pas perdre du temps, entre guillemets, à voir qui c'est qui a fait quoi, mais vraiment imaginer comment on va améliorer la situation pour la sécurité de tous et le bien-être de tous. Mais je reviens à mon idée qui est de savoir ce qui se passe dans la cour de récréation. Je suis allée en Valais dans une école où on pratique la médiation par les pairs, c'est-à-dire que ce sont les élèves eux-mêmes qui tentent de résoudre les conflits et s'ils n'y arrivent pas, ils vont faire appel à un adulte. C'est quelque chose qui est peu pratiqué dans les écoles romandes, la médiation par les pairs. Est-ce que ça pourrait être un début de solution pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les cours de récréation ? Je pense qu'il y a une raison pourquoi la médiation par les pairs n'est pas forcément beaucoup utilisée ici en Romandie, en tout cas dans le canton de Vaud. Elle l'a été, je crois que c'est un outil qui a été utilisé. Il l'est toujours dans certains établissements. Donc je pense qu'il y a une part intéressante par rapport à cette médiation par les pairs, où les adultes entendent justement peut-être aussi ce qu'il se passe. Par contre, je pense que les élèves qui sont formés à devenir médiateurs portent beaucoup, ont une grande responsabilité par rapport à ce qu'il se passe dans ces cours de récréation. Mais qu'est-ce qui risque en fait ? Une surcharge de travail ou Ça peut être une surcharge émotionnelle, d'être pris aussi, lui, en conflit de loyauté par rapport à ce qui se passe dans la cour de récréation. Donc il y a quand même tout ce travail de compréhension de ce rôle de médiateur par les pairs qui doit être extrêmement bien explicité dans l'école aux parents. C'est des élèves qui sont formés, hein, qui ont reçu une formation. Donc, en l'occurrence, qui sont élus par leurs camarades, ce qui leur donne une forme de légitimité, en tout cas dans ce programme. D'accord. Jean Cher. Des études ont aussi démontré quand même que ce sont principalement les élèves médiateurs qui ont été formés à cette médiation qui eux-mêmes bénéficient pour eux-mêmes des effets de cette formation, mais on se rend compte que sur l'ensemble du climat scolaire, de la cour d'école, c'est beaucoup plus difficile pour que ça porte ses fruits sur l'ensemble de la collectivité. D'après ce que j'ai lu, dans certains cas de harcèlement lourd, on met trop de poids sur des élèves qui ne sont pas forcément là pour mettre le cadre. Et on se rend compte sur le terrain que mettre le cadre en cas de harcèlement lourd, c'est absolument essentiel et que ça doit être fait par des adultes. On sait qu'il est compliqué de confronter la victime et l'auteur en cas de harcèlement lourd aussi. Donc il y a vraiment un rôle que la direction doit jouer dans chaque cas de harcèlement lourd. Et ça, on a peut-être tendance à l'oublier avec la médiation par les pairs. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup sur le canton de Vaud, c'est la prévention par les pairs. Je travaille beaucoup en collaboration avec PROFA et le centre de prévention VIH et IST, où il y a un programme qui se nomme Georgette in Love, et qui a un programme de prévention par les pairs dans le poste obligatoire. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont encore en formation, des jeunes entre 20 et 25 ans, qui vont faire un travail de prévention auprès des jeunes dans le poste obligatoire pour parler de la thématique santé sexuelle et travail de prévention contre les IST. Donc c'est spécifique dans la santé sexuelle, ça concerne moins les plus jeunes ? Ça concerne moins les plus jeunes, mais à partir des exemples, à partir des enseignements qu'on tire de cette prévention par les pairs qui montrent des résultats vraiment très encourageants, on peut imaginer mettre en place des projets. Et d'ailleurs, certains projets sur Lausanne actuellement sont menés par des infirmières scolaires et des médiateurs et médiatrices pour faire de la prévention par les pairs des phénomènes de harcèlement. C'est-à-dire que les élèves partent de leur expérience, parce que quand on commence à parler de harcèlement, presque la majorité des élèves ont quelque chose à dire par rapport à cette thématique. Ça, c'est extrêmement fort. À partir des expériences qu'ils ont vécues, ils travaillent pour mettre en place du matériel de prévention qui, après, est utilisé dans les classes pour provoquer le débat. Bacard. Et les jeunes sont là pour faire cette prévention par les pairs, discuter avec les autres jeunes de ce phénomène du harcèlement, de ses conséquences qui peuvent être dramatiques et de comment, ensemble, ils peuvent trouver des solutions pour lutter contre. Eh bien, c'est à vous maintenant d'intervenir au 058 236 236 0. Que pensez-vous de cette expérience de médiation par les pairs menée à l'école de Chara ? Selon vous, est-ce trop demandé à certains élèves que de désamorcer les conflits qui naissent dans la cour de récré ? Ou au contraire, estimez-vous que la formation à la médiation de ces élèves et leur rôle de sentinelle anti-harcèlement devraient être généralisés ? Dites-nous-le au 058 236 236 0. Vacarme, Marc Jules, Véronique Marty, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux, Jérôme Nussbaum. Demain dans Vacarme, le témoignage bouleversant de Nora Fraisse, dont la fille Marion s'est suicidée après avoir été victime de harcèlement scolaire. Pour la 4e C, tous les autres, si vous recevez cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Vous avez été tous géniales, mais vous êtes allés beaucoup trop loin dans cette histoire. Faux cul, sans amis, on va te niquer à ton retour, bolos, sale pute, connasse. Ok, je n'ai pas réussi à dire tout ce que j'avais sur le cœur, mais maintenant je le fais même si mon cœur ne bat plus. La dernière lettre de Marion, c'est le reportage de Vacarme, que vous découvrirez demain sur le coup de 13h. Du son, des chansons, vous embarquez avec Pauline Vrolix dans Passagère.